Ainsi, les romans, comme le journal, posent la question absurde. Ils instaurent la logique jusqu'à la mort, l'exaltation, la liberté terrible, la gloire des tsars devenus humaines. Tout est bien, tout est permis et rien n'est détestable. Ce sont des jugements absurdes. Mais quelle prodigieuse création que celle où ces êtres de feu et de glace nous semblent si familiers. Le monde passionné de l'indifférence qui gronde dans leur cœur ne nous semble en rien monstrueux. Nous y retrouvons nos angoisses quotidiennes. Et personne, sans doute comme Dostoïevski, n'a su donner au monde absurde des prestiges si proches et si torturants. Pourtant, quelle est sa conclusion ? Deux citations montreront le renversement métaphysique complet qui mène l'écrivain à d'autres révélations. Le raisonnement du suicidé logique ayant provoqué quelques protestations des critiques, Dostoïevski, dans les livraisons suivantes du journal, développe sa position et conclut ainsi. Si la foi en l'immortalité est si nécessaire à l'être humain que sans elle il en vienne à se tuer, c'est donc quel est l'état normal de l'humanité. Puisqu'il en est ainsi, l'immortalité de l'âme humaine existe sans aucun doute. D'autre part, dans les dernières pages de son dernier roman, au terme de ce gigantesque combat avec Dieu, des enfants demandent à Alyosha « Karamazov, est-ce vrai ce que dit la religion, que nous ressusciterons d'entre les morts, que nous nous reverrons les uns les autres ?» Et Alyosha répond « Certes, nous nous reverrons. Nous nous raconterons joyeusement tout ce qui s'est passé. » Ainsi, Kirillov, Stavrogin et Ivan sont vaincus. Les Karamazov répondent aux possédés. Et il s'agit bien d'une conclusion. Le cas d'Alyosha n'est pas ambigu comme celui du prince Mushkin. Malade, ce dernier vit dans un perpétuel présent nuancé de sourire et d'indifférence. Et cet état bienheureux pourrait être la vie éternelle dont parle le prince. Au contraire, Alyosha le dit bien, nous nous retrouverons. Il n'est plus question de suicide et de folie. À quoi bon pour qui est sûr de l'immortalité et de ses joies? L'homme fait l'échange de sa divinité contre le bonheur. Nous nous raconterons joyeusement tout ce qui s'est passé. Ainsi encore, le pistolet de Kirillov a claqué quelque part en Russie, mais le monde a continué de rouler ses aveugles espoirs. Les hommes n'ont pas compris cela. Ce n'est donc pas un romancier absurde qui nous parle, mais un romancier existentiel. Ici encore, le sceau est émouvant, donne sa grandeur à l'art qu'il inspire. C'est une adhésion touchante, pétrie de doutes, incertaine et ardente. Parlant des Karamazov, Dostoïevski écrivait « La question principale qui sera poursuivie dans toutes les parties de ce livre est celle même dont j'ai souffert consciemment ou inconsciemment toute ma vie, l'existence de Dieu. » Il est difficile de croire qu'un roman ait suffi à transformer en certitude joyeuse la souffrance de toute une vie. Un commentateur le remarque à juste titre. Dostoïevski a parti lié avec Ivan et les chapitres affirmatifs des Karamazov lui ont demandé 3 mois d'efforts, tandis que ce qu'il appelait les blasphèmes ont été composés en 3 semaines dans l'exaltation. Il n'est pas un de ces personnages qui ne porte cette écharde dans la chair, qui ne l'irrite ou qui n'y cherche un remède dans la sensation ou l'immortalité. Restons en tout cas sur ce doute. Voici une œuvre où, dans un clair-obscur plus saisissant que la lumière du jour, nous pouvons saisir la lutte de l'homme contre ses espérances. Arrivé au terme, le créateur choisit contre ses personnages. Cette contradiction nous permet ainsi d'introduire une nuance. Ce n'est pas d'une œuvre absurde qu'il s'agit ici, mais d'une œuvre qui pose le problème absurde. La réponse de Dostoïevski est l'humiliation. La honte, selon Stavrogin. Une œuvre absurde, au contraire, ne fournit pas de réponse. Voilà toute la différence. Notons-le bien pour terminer, ce qui contredit l'absurde dans cette œuvre, ce n'est pas son caractère chrétien. C'est l'annonce qu'elle fait de la vie future. On peut être chrétien et absurde. Il y a des exemples de chrétiens qui ne croient pas à la vie future. À propos de l'œuvre d'art, il serait donc possible de préciser une des directions de l'analyse absurde qu'on a pu pressentir dans les pages précédentes. Elle conduit à poser l'absurdité de l'Évangile. Elle éclaire cette idée, féconde en rebondissement, que les convictions n'empêchent pas l'incrédulité. On voit, bien au contraire, que l'auteur des possédés, familier de ces chemins, a pris pour finir une voie toute différente. La surprenante réponse du Créateur à ses personnages, de Dostoïevski à Kirillov, peut en effet se résumer ainsi : l'existence est mensongère et elle est éternelle.